On va parler avec notre ami Marc Griffin. Salut Marc. Salut Danny. On a commencé la discussion hors d'onde, mais on va la continuer en onde. En fait, c'est parce que je dis à Marc, l'autre fois, quand j'ai demandé, j'ai eu Otto Lopez en entrevue, j'ai posé carrément la question s'il avait été invité. Il m'a dit que non, puis je l'avais dit à Marc en dehors des ondes. Marc, c'est quand même. Moi, je le regarde tous les soirs, les statistiques là, des Fisher Cats, il est à 351 dans le 2A. Incroyable, pareil. Puis même pas eu un appel. C'est assez incroyable quand on regarde ça, là. Ouais, ben écoute, il y a plusieurs facteurs là-dedans. C'est pas toujours des bonnes raisons, évidemment, parce que bon, Baseball Canada a un peu la même philosophie depuis quelque temps. Puis c'est correct, si on rappelle des gars qu'on connaît, tout ça, mais on n'a pas. Je trouve que parfois, on n'a peut-être pas nos horizons suffisamment. Là, est-ce qu'il y avait des ententes avec les équipes du baseball, même au niveau mineur, qu'on ne pouvait pas appeler du monde? Tu sais, ça se peut, là. Mais à quelque part, je trouve ça quand même de valeur, parce que ça reste quand même un tournoi olympique. C'est pas rien. Ça permettrait à des joueurs comme lui, comme David Claude, comme. Il y en a des bons joueurs là, qui sont capables de se défendre sur un terrain de balle qui serait amplement Charles en mesure, Leblanc, selon moi. c'est celui-là qu'on connaît. Exactement. Ouais. Puis, ça n'enlève rien à. Tu sais, moi, écoute, Josué Pelé puis Joe Mallow, c'est des amis personnels, c'est des gars extraordinaires, des joueurs de baseball extraordinaires dans leur prime. Puis qu'ils soient là honnêtement, pour aider les jeunes, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais je pense que ça aurait valu la peine d'inviter du monde un petit peu plus. Comment je te dirais, qui sont des athlètes actuellement, qui jouent actuellement dans du 2A. Tu sais, le calibre 2A, là, il y a aussi autant de talent que le baseball majeur. C'est un peu la constance Ben, qu'on veut que les c'est gars aillent le chercher. calibre canadien, Tu sais, c'est. Carl Gélina, quand il était à son prime avec les Capitales de Québec, là, c'était un gars qui était, selon moi, bien en mesure, par exemple, d'aller faire des tours avec l'équipe nationale, au moins une invitation, puis tu sais, Carl n'en a jamais reçu. Fait que, tu sais, il se passe quelque chose des fois, puis tu dis, bon, j'espère qu'à un moment donné, on va pouvoir ouvrir un petit peu plus nos horizons. Le tournoi olympique là, qu'on a eu au début juin, c'est-tu comparable au 2A, 3A, le calibre? Ben, écoute, ça dépend toujours. Tu sais, Ouais. y a des journées, là, ça peut être un lanceur des ligues majeures, tu as trois, quatre Ouais. athlètes qui sont là-dedans. Tu sais, le calibre peut varier. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais, tu sais, ça reste que jouer au baseball, quand tu es rendu au niveau professionnel, quand tu es rendu au niveau 2A, puis même des ligues indépendantes aujourd'hui, tu sais, les gars vont se défendre, les gars vont trouver une solution, les gars. T'sais, je regarde ce que Lopez fait au niveau 2A, puis tu l'as vu aucun entraînement comme moi. Ce Ouais. gars-là, je veux dire, il n'est aucunement intimidé par ce calibre-là. Donc, Non. tu sais, comme je dis, je te dis pas de faire l'équipe, mais j'ai dit au moins de recevoir une invitation, regarder, évaluer, voir Minimum, ce le que ces gars-là minimum. peuvent faire. Mais en même temps, tu sais, est-ce qu'il y a entente actuellement de le baseball? Est-ce qu'il y a, tu sais, je sais pas Ben, il exactement, y avait bon, des les défis qu'il y joueurs. avait derrière. Marc, Alex Manoah, s'il n'y aurait pas avec les Jays, aurait joué pour l'équipe américaine. Simon Wood Richardson, qui est dans le 2A pour les Jays, il est allé là également. Oui, c'est possible. Là, tu me dis avant de rentrer en onde, le poste de directeur général est actuellement disponible. Ben, Question. c'est-à-dire Ouais. que c'est ça, c'est que le directeur général parce que le président de Baseball Canada, c'est pas un poste payant, là. Tu sais, c'est du Ouais. bénévolat, c'est un congé d'administration. Tandis que le directeur général de toute la patente, il pourrait avoir des changements à la barre du Est-ce Baseball qu'Alex Canada au cours des Antopoulos, prochaines. parce que ça se voit au hockey, là, un actuel directeur général, ça se voit souvent au hockey, un actuel directeur général d'une équipe et directeur général d'équipe Canada, est-ce qu'Alex Antopoulos pourrait le faire? Non, parce que c'est vraiment, là, on couvre tout, tu sais, je veux dire, c'est OK. pas juste le directeur général d'une équipe OK. senior, là, c'est le directeur général de Baseball Canada, ça couvre large, OK, c'est les programmes OK. nationaux, Ah, OK, c'est c'est bon. pas juste le directeur général de l'équipe, là, qui est en OK. poste, qui est en jeu, fait que ça couvre, c'est un emploi à temps plein qui est pas évident, tu sais, des gars comme André Lachance, Ouais. pourraient convoiter ce poste-là et faire, c'est faire. T'sais, André, c'est un gars qui est extrêmement intelligent, qui est là depuis longtemps, qui pourrait faire les choses. Mais ceci étant dit, c'est ce genre de candidat-là qu'on va rechercher là, beaucoup plus qu'une simple personne comme Alex Wynn. Bon, on va parler de. Moi, je suis tellement content matin. Les Blue Jays, c'est mon équipe, évidemment. Ça fait longtemps que tu sais. Trois joueurs sur l'équipe partante. Je me rappelle plus d'avoir vu ça. Est-ce qu'en 2015, Batista, je ne suis pas sûr qu'en 2015, il était sur l'alignement partant, il y avait trois joueurs au match des Étoiles. C'est une belle nouvelle, en tout cas. Non, mais là, c'est une très belle nouvelle. Tu sais, Marcus Semien, bon, rappelle-toi, c'est un peu un gamble pour lui de signer un contrat d'un an. Il est en train de gagner son pari parce que ça va coûter cher le mettre sous contrat. Le gars est en train de battre à peu près tous les records pour un joueur de deuxième but, même si on sait qu'il est capable de jouer à l'aréco. Je trouve ça extraordinaire. Bon, Vlad, écoute, 22 ans, là, faut-il le répéter? Ouais. Je pense que les gens se rendent pas compte. Non. Ce gars-là est en train de faire des choses que tout le monde fait, ben pas tout le monde, mais que les meilleurs font à 26 ans. Lui, il le fait à 22. Là, c'est phénoménal. Défensivement, il est en train de. Moi, j'ai vu des jeux l'autre fois. Là, il me fait penser un peu à Galarraga. Il est très habile. Oui, c'est une belle comparaison. Ouais. Parce que, tu sais, il n'y a pas un physique d'un gars que tu as l'impression qu'il va être très agile. Ouais. Mais il l'est. Il est très agile. Puis je pense que c'est sa place. Parce qu'il a un bon bras. Mais ce qui lui causait des ennuis, des fois, c'est qu'il, entre guillemets, là, il trichait un peu pour essayer d'envoyer la balle plus rapidement au premier but. Il n'a pas à se soucier de ça comme joueur de premier but. Alors là, il est en train de montrer à tout le monde ce qu'il est capable de faire en défense. Au premier but, moi je pense que... Les grands écarts, tu sais, comme Andrés Galarraga faisait, ces grands écarts-là, puis comment il sauvait le derrière des arrêts courts des fois, hein? Ça arrivait souvent, là. Ben, écoute, le joueur de premier but, là, c'est le meilleur ami des joueurs à l'avant-champ, parce qu'il en sauve, lui, des erreurs, mais je me répète, il n'y a que 22 ans. Tu sais, Andrés Galarraga était très bon, mais ça lui a pris pas du temps, là, tant que ça, mais je veux dire... C'est pas à l'âge de 22 ans qui est impressionné au premier but, ça a été plus tard en carrière. Donc, imaginez, ajouter de l'expérience à Vlad, autant au bâton qu'en défense, on n'a pas fini de voir un gars nous épater, là. Non. Puis, il a les mêmes statistiques au même âge que son père. Et ce que j'aimerais, j'espère, puis je pense qu'il a donné un bon coup de pied derrière, c'est l'année passée, quand on l'a mis au premier but, il s'est pris en main. Tu sais, le père, Marc, t'es d'accord avec moi que. S'il aurait été moyennement sérieux, il aurait joué 3-5-4 plus, puis il aurait passé au premier tour à Cooperstown, pas au deuxième tour. Il aurait passé probablement au premier tour facile. Là. Ouais, ben ça, c'est toujours été le débat, là. Vlad, physiquement, c'est peut-être laissé aller un petit peu. Mais bon, c'est quand même une carrière exceptionnelle. Il y a des leçons à tirer, effectivement, de tout ça. Je pense que le Vlad, en se prenant au sérieux, ça l'aide, Vlad Junior. Par contre, tu vois que c'est un physique qu'il va falloir qu'il continue à prendre soin de lui. Là. C'est pas juste une affaire d'une saison. Il va falloir que ce gars travaille doublement plus fort pour rester dans une forme physique exemplaire. Et là, je vais te dire, c'est comme on dit, le sky's the limit, parce qu'il pourrait, encore une fois, nous épater par ce qu'il peut faire. Moi, ce qui me surprend encore plus, oui, son jeu défensif, t'en as parlé, mais écoute, c'est la balle, là, lorsqu'elle quitte son bâton, là, c'est constamment là, 95 000 à l'heure et plus. C'est un des plus hauts contacts de tout le baseball. Hey, c'est pas facile de faire ça. Puis franchement, là, moi, il me surprend. Puis Hernandez, ben écoute, bravo. Il a suivi une belle saison. On voyait tout ce potentiel-là, puis il l'exploite en ce moment. Les Blue Jays ont été la première équipe avec trois joueurs de 50 points produits et plus. Effectivement. C'est pas rien. Puis là, Springer qui revient au jeu. Ben, alors, on peut avoir juste un peu d'aide au monticule. C'est sûr que c'est une équipe à surveiller dans la deuxième moitié. Hey, dis-moi, Oscar Hernandez, c'est dans les chambres de Robert Osuna qui avait été acquis. C'est, je veux dire, une affaire. C'est toute une transaction quand tu regardes ça. Tu sais, c'est Ken Giles et Oscar Hernandez. C'est pas un gars de l'organisation des Astros de Houston, ça? Ben oui, absolument. Non, mais ça là, c'est le cas classique. Ben, tu sais, rappelle-toi l'échange de Big Game James Shields contre qui? Contre Fernando Tatis Jr., qui à l'époque, personne ne connaissait. Il faut faire attention des fois quand on met un gars, tu sais, un jeune prospect dans une transaction pour un vétéran. On peut être surpris, mais Lou Jeff qui, effectivement, là, tu regardes que Osuna, bon, il a aidé les Astros, mais... sur le long terme, ça n'a pas été nécessairement la meilleure transaction. Fait que, bravo, Jays, là-dessus. J'ai hâte de voir. On a bougé, on est allé chercher Simber, c'est intéressant. Ben, c'est ça. Est-ce que ça va nous amener à autre chose? C'était mon prochain sujet. Écoute, il y a des rumeurs. Je voyais ces passions LMB qui disaient ça, qui rapportaient ça hier, que les Blue Jays et les Pirates sont en négociation pour Rich Rodriguez, qui est le releveur numéro un des Pirates. Les Jays ont du bon matériel à échange aussi, là. C'est ça qui est le fun aussi. Oh, oui, il y a bien des choses. Ouais. Mais dis-toi par contre que Richard Rodriguez est très en demande. Okay? Ouais. Alors, il y a beaucoup d'équipes qui sont après lui. Donc, le prix à payer, malheureusement, va être assez élevé. Alors, c'est là que c'est le jeu dangereux. Est-ce qu'on donne un joueur qui va devenir justement un prochain Hernandez pour aller chercher un autre? T'sais, alors, moi, ce que j'aime des Jays, c'est qu'on a agi tôt avec Stenberg. Je pense qu'on a eu le meilleur là-dessus. Est-ce que ça peut fonctionner encore? Parce que, tu sais, plus on va approcher de la date limite des transactions, selon moi, plus ça va coûter cher. Alors, est-ce qu'on peut tenter les pirates dès maintenant? C'est ça qui peut être intéressant. Ça a été un peu une signature des Jays, ça. De Merriweather qui revient bientôt. Ça va aider aussi. Il avait connu un excellent début de saison avant d'être blessé. Je pense que c'est dans le mois-ci qu'il revient. Donc, ça va aider aussi. Hey, Marc, tu as parlé d'Adam Simmers. Question que je veux te poser. C'est un lanceur qui lance de côté à la Kent Takeoff, à la Dan Quisenberry. Ouais. Il n'y en a plus de ces releveurs-là. Pourquoi qu'il lance de côté? Est-ce que c'est la balle rapide à 95-100 000 à l'heure? C'est encore ça, le hic? Parce que quand tu lances de côté, c'est sûr que pour les frappeurs gauchers, un lanceur qui lance de côté, c'est un avantage. C'est-tu pour ça? Écoute, c'est pas un geste naturel. T'sais, c'est pas tout le monde là, qui peut arriver à... T'sais, c'est pas un geste naturel. C'est souvent des gars qui lançaient normalement, je vais dire ça de même, puis qui finalement, bon, ont trouvé un peu leur façon de faire en lançant de côté. Il y a une raison pour laquelle il n'y en a pas beaucoup. Un, c'est pas facile. Okay. Si tu viens dans un angle pour faire bouger la balle, c'est pas évident. Donc, si c'était facile, je te dirais que tu enverrais pas mal des droitiers qui iraient de côté puis qui essaieraient de faire bouger la balle et deviendraient des experts releveurs. Malheureusement, c'est pas si facile. Donc, ceux qui sont capables de faire, ben tant mieux. Parce que tu regardes la façon dont tu lances une balle normalement, que ce soit une rapide coupée, un changement de vitesse, une balle courbe, une glissante. On est tous, ben pas tous, là, mais la plupart dans un angle qui est à peu près similaire. Mm. Là, tu arrives trois quarts, là, tu arrives même de côté. C'est pas pareil. Fait que faire sortir la balle, la faire bouger suffisamment, de lancer des prises, que ta balle rapide tombante fonctionne, c'est énorme. Alors, tu sais, t'as des Darren O'Day, t'en as, là, mais je veux dire, on peut les compter sur les doigts de main. Les plus mémorables, c'est Quisenberry et Takeoff. Oui. Mais tu sais, t'es énorme, mais tu sais, je veux dire, c'est parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'autres non plus. C'est pas un geste facile. Pour retirer des frappeurs des ligues majeures, il faut vraiment qu'ils soient capables de le faire. Puis ceux-là qui l'adoptent et qui sont capables, leur avantage, c'est quoi? De lancer de côté? Ben pour un frappeur, puis là, l'avantage que ce sont habituellement tous des releveurs, tu comprendras, parce que lancer 110, 120 lancers de cette façon-là, c'est pas évident. Mais deuxièmement, c'est que, comme je le disais, les frappeurs, eux autres, là, quand la balle sort de la main, le droitier ou gaucher, peu importe, il y a un endroit particulier là que la balle sort de la main puis que t'es capable d'aller tenter de la voir le plus rapidement possible. Mais là, la balle sort complètement de côté. Là. Ouais. Fait que c'est une adaptation. Fait que par le temps que tu t'adaptes, ben, tu as peut-être deux prises contre toi, puis finalement, tu te fais retirer, mais tu ne leur verras pas une deuxième présence parce que c'est un releveur d'une manche ou deux. Fait que là, tu vas leur voir juste dans une semaine, dans deux semaines, puis là, tu vas être encore pris. Eux autres, c'est pour ça que ce sont des releveurs qui utilisent ce style-là. C'est juste que quand la balle sort de la main du lanceur, c'est tellement différent. Puis pour le, il y a un ajustement pour le frappeur. Puis pour le bras du lanceur, est-ce que c'est plus dur? Est-ce que c'est... Le geste naturel, c'est de lancer par en dessous. Ouais. La façon dont le corps humain est fait, lancer une balle de baseball, c'est pas un geste naturel. Alors, eux autres, d'après moi, peuvent avoir plus de tu sais, moins de maux de bras. Ça fait peut-être drôle à dire. Peut-être moins de maux de bras au niveau de l'épaule. Peut-être un peu plus au niveau du coude. Parce que là, tu mets beaucoup de pression sur ton coude à la fin. Encore une fois, je reviens un peu, là, mais il y a une raison pour laquelle il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu comme les lanceurs de balles papillons. Il y en a une raison pour laquelle il n'y en a pas beaucoup, c'est parce que c'est pas facile de lancer ça et d'être efficace. Alors, c'est vraiment pour ça, mais si tu le fais bien, là, tu peux te rendre efficace en lançant une manche, en lançant un tour au bâton maximum, pas deux, puis là, à ce moment-là, le lanceur peut garder son avantage de lancer. Parce que pour ton lanceur, moi, j'ai toujours appris que ceux-là qui lançaient de côté, c'est souvent des lanceurs droitiers. Des lanceurs gauchers, j'en ai très peu vu encore là. Des lanceurs droitiers, c'est un avantage pour le frappeur gaucher. Parce que lui, il voit la balle un petit peu plus. Mais oui, sauf qu'en même temps, si tu lances, tu sais, l'approche est la même, c'est-à-dire que tu vois la balle sortir de côté pour le frappeur gaucher, ça se peut que la balle, tu as l'impression qu'elle va rentrer en dedans, mais elle va rester au coin extérieur. Fait que, tu sais, c'est toujours, le but est toujours de désynchroniser le frappeur. Ah, Puis ces gars-là sont capables de le faire quand même, malgré qu'ils soient droitiers contre un frappeur gauche. Dernière question, Marc. Je veux te parler des Yankees. Est-ce que tu penses que la dernière fois qu'on a congédié un gérant des Yankees en pleine saison, je pense que c'est Billy Martin. Tu penses-tu que ça pourrait arriver, qu'Aaron Boone perde son poste? Ça pourrait arriver. Ouais, hein? Honnêtement, ça pourrait arriver. Oui, ben, premièrement, les Yankees, tu regardes les prévisions de début de saison, là. Ouais. Tout le monde voyait les Yankees premiers. Ouais, je veux dire, moi, je les avais pas mis premiers, mais ça, c'est notre affaire. Mais alors là, tu joues pas de la très grande balle. Oui, les gars jouent pas bien. T'sais, on s'entend avec Gleyber Torres au bâton, c'est pas du tout le même frappeur. Il y a eu des blessures, je suis d'accord avec ça. Mais ça reste que les Yankees jouent pas comme ils devraient jouer. Puis tu joues à New York, tu portes une forme des Yankees, il y a cette double, triple pression-là de performer. Quand t'entends un gérant, écoute, Danny, je te pose la question, tu es un amateur de sport, là. Ouais. T'entends un gérant qui dit là, il dit là, pour vraiment que les gars là, jouent de la meilleure balle, là, parce que c'est comme s'il dit, je sais plus quoi faire. Puis t'es à New York, t'es pas. T'es à New York, fait que j'aime pas ce langage-là. Tu comprends? Ouais. J'aime pas ce langage-là. Je trouve que ça regarde pas bien. Il faudrait pas qu'ils se mettent à jouer en bas de 500 au cours des 2-3 prochaines semaines, parce que on se sépare souvent les bonnes équipes des moins bonnes après la pause du match des étoiles. La prochaine semaine, je ne sais pas qu'elle est cruciale, mais elle va être importante, parce que si on ne gagne pas plus... La défaite contre les Angels cette semaine, lorsqu'on menait, là, puis le match a été avec la pluie, puis les Angels ont marqué 7 points en 9e, elle a fait mal. Elle a fait mal. On est mieux de rebondir, parce que on pense que malheureusement, on n'aura pas le choix chez les Yankees de bouger. Ah, effectivement. Si George serait encore en vie, ça fout. Oh, mon Dieu! George doit se virer dans sa tombe. En tout cas, ceux et celles qui s'en rappellent, Billy Martin, c'était tout qu'un show. Il ramenait, congédiait, ça, c'était un peu... 20 fois! Ouais, 20 fois! 20 fois congédié! Ouais! Je veux dire... Mais ça, ça faisait partie du spectacle que George donnait. Ouais, ça prenait un gars qui accepte aussi, Billy Martin. C'est pas tout le monde. Je suis pas sûr qu'il aurait fait ça avec Philippe Alou, là. Que tu sais... je suis pas sûr que Philippe Alou, lui, aurait accepté ça. Effectivement! Marc, on s'en reparle bientôt, puis bon tournoi olympique. On va s'en reparler du tournoi olympique. Notre ami Marc Griffin.